Marie-Ange Zeiman. Bonsoir à tous et à tous, bienvenue dans cette édition. Donc voici d'abord les principaux titres. Tôt ou tard, les protagonistes burundais doivent s'asseoir ensemble pour négocier. C'est la réaction d'un analyste politique face à la lenteur observée ces derniers jours au processus de dialogue burundais qui se déroule à Arusha. Le Sénared accuse pour son compte le pouvoir de traîner les pieds du côté de l'UPRONA gouvernemental. L'on salue les efforts de la médiation qui a envoyé sa délégation à Bujumbura récemment. Le Minerval a été revu à la hausse de plus de 10 000 francs burundais à l'école paramédicale de Bubanza. Désormais, les élèves doivent contribuer pour le paiement des professeurs vacataires. Et puis, certains bureaux de change n'ont pas encore repris les activités à peu près deux mois après la fermeture de ces derniers. Ils hésitent encore à signer l'acte d'engagement, leur obligeant le respect du taux fixé par la Banque centrale. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonsoir et bienvenue. Les entreprises publiques non commerciales doivent retenir 4% d'impôt sur les factures au titre des marchés publics. C'est lors du paiement d'un fournisseur associé dit par le chef de service contribuable et éducation à l'Office burundais des recettes lors d'un atelier d'échange sur la conformité aux lois fiscales. Lin Bamigira a en outre expliqué que les jetons de présence accordés aux membres des conseils d'administration dans les entreprises publiques sont imposables s'ils dépassent 150 000 francs burundais. Mireille Kanyangé nous en dit plus. Les entreprises publiques non commerciales sont des intermédiaires collecteurs d'impôts, raison pour laquelle l'Office burundais des recettes OBR les a conviés à un atelier d'échange sur la conformité aux lois fiscales. Ces chargés des finances dans ces entreprises sont revenus sur les craintes suscitées par les 4% de retenue au titre des marchés publics. Parfois, il est difficile pour les fournisseurs d'accepter de payer le prélèvement forfaitaire de 4%. Quand le fournisseur donne son offre financière, il a tendance à ne pas accepter le prélèvement forfaitaire de 4%. Alors je voudrais vous demander une lumière sur la déduction de 4% si ça se fait au niveau de l'offre financière du fournisseur ou si c'est l'acheteur qui doit ajouter son prélèvement forfaitaire à l'offre financière du fournisseur. Pour cet autre gestionnaire d'une entreprise publique, il propose que les 4% soient inclus dans le dossier d'appel d'offres. La Direction nationale des marchés, de contrôle des marchés devrait normalement en tenir compte dans la rédaction. Quand ils autorisent la passation des marchés, ils devraient voir si réellement on a inclus la retenue de 4% dans le DAO ou bien dans la lettre de commande avant d'eau. Sinon, si ça se négocie entre l'autorité contractante et l'attributeur, ça deviendrait un peu conflictuel. Pour d'autres, le flou plane sur les jetons de présence des membres des conseils d'administration dans ces entreprises. Sur les jetons de présence d'entiers mais autres avantages accordés aux membres du conseil d'administration, vous avez répondu que c'est une décision du gouvernement qu'on doit l'appliquer, ok. Mais il y a une autre mesure que le gouvernement a prise au niveau de fonctionnaires. Il y a des primes qui ne sont pas imposables. Donc, je n'entends pas cela. Le deuxième éclaircissement, s'il fallait plutôt nous dire le taux à appliquer pour les jetons de présence, tant et autres avantages accordés à ces dirigeants. Alors, je voudrais vous demander si c'est une loi qui a été votée et comment on doit l'appliquer. Sur ces craintes, Lin Bamigira, chef de service aux contribuables et éducation à l'Office burundais des recettes OBR, évoque la loi les obligeant à retenir 4% d'impôts lors du paiement des factures. Quant aux jetons de présence, il a souligné que tout revenu non exonéré est imposable. Un revenu qui n'est pas exonéré, c'est un revenu imposable. Bien entendu, comme les membres du conseil sont des employés secondaires dans les entreprises où ils prestent en tant qu'administrateurs. Mais quelque part, ils sont employés primaires. Quelque part, ils sont employés quotidiennement. Donc, la disposition qui doit s'appliquer, c'est la disposition pour les revenus des employés secondaires dans les entreprises. Ces gestionnaires des entreprises publiques non commerciales ont promis de redresser les situations, faute de quoi ils s'exposeraient à des sanctions. Merci à Mireille Kanyangé. Certains bureaux de change n'ont pas encore repris le travail après plus d'un mois de fermeture parce qu'ils n'ont pas encore signé l'acte d'engagement de la Banque centrale. Selon le représentant de l'association du bureau de change, Bondi, cet acte d'engagement leur demande de respecter les taux de la BRB. Alexandre Sabimana indique qu'ils vont se conformer à cette nouvelle réglementation. Suivez-le au micro de Dorine Ndaïlolele. Il y a environ 2 mois, certains bureaux de change étaient fermés, mais pour le moment, il y en a 4 ou 5 qui n'ont pas encore ouvert, mais d'autres ont ouvert. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait eu une réunion entre la Banque centrale, les représentants des bureaux d'échangeurs et le corps de police. On s'est convenu que dès le lendemain de cette réunion, on devrait appliquer la réglementation de la Banque centrale. On devrait respecter le taux de change qui est compris entre 1670 et 1700, c'est-à-dire à l'achat et à la vente. Alors, au lendemain de cette réunion, nous avons vu qu'il y a eu des policiers qui se sont précipités dans les bureaux de change en demandant si les propriétaires ont des devises. Quand on répondait qu'on n'a pas de devises, on disait fermez tout de suite et sortez. Et c'est ainsi que certains bureaux de change ont fermé les portes. Pour le moment, les bureaux de change qui étaient fermés, on leur exige de signer un acte d'engagement qui dit que, entre guillemets, je m'engage à respecter la réglementation de la banque centrale, ferme les guillemets. Et comme ça, on ouvre donc le bureau de change qui était fermé. Est-ce que vous allez respecter le taux de change imposé par la BRB alors qu'au marché noir, il y a encore ceux qui vendent ces dollars à 2500 ou à 2700? Normalement, on doit respecter la réglementation de la Banque centrale. Le taux de change qui est applicable pour le moment, c'est 1670 pour l'achat et 1700 pour la vente. C'est-à-dire que celui qui va être attrapé en dehors de ses limites, il sera puni par la réglementation de la Banque centrale. Toujours en rapport avec l'économie, la Banque africaine de développement a l'intention d'aider le Burundi dans le développement du secteur de l'agriculture et de l'élevage, ainsi que dans d'autres projets dans son plan de financement allant jusqu'en 2022. Cela a été dit par René Obam Nulang, l'administrateur de la Banque africaine de développement au niveau de l'Afrique centrale. C'était après une audience avec le président de l'Assemblée nationale dans l'après-midi de ce mardi. Monsieur René Obam Nulang a mentionné qu'il est venu solliciter des hautes instructions des autorités du pays, les orientations en matière de coopération avec la BAD. Son but était aussi de préparer le gouvernement pour qu'il puisse élaborer des projets qui vont amener la population à un développement durable. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Page politique de ce journal, parlons dialogue. La plateforme Sénarède regroupant les partis de l'opposition estime que le pouvoir est en train de faire traîner les négociations pour que la crise que connaît le Burundi soit dénouée. Jérémy Minani, qui est chargé de l'information et de la communication au sein de cette coalition, trouve également qu'il n'est pas possible que les négociations puissent être rapatriées à Bujumbura, comme le souhaitent certains. Quant à la non-accélération de ces négociations, il indiquait que la balle est dans le camp du pouvoir. Aux négociations, c'est deux ou plusieurs personnes, alors que l'autre personne, pour nous, reste dans son obstination à refuser la crise et à refuser aussi la négociation. Le jour où le médiateur nous appellera, nous irons en bonheur. Mais le problème, c'est que le pouvoir reste dans la logique de l'obstination, dans la logique de dire non à toute initiative visant à trouver une solution à la crise burundaise via les négociations. Et il y a la partie gouvernementale qui souhaiterait que les négociations soient rapatriées à Bujumbura, au Burundi. Ça serait mieux, nous le souhaitons que ça se fasse, mais le problème c'est que les conditions de sécurité ne sont pas garanties. La plupart des leaders de l'opposition qui ont fui le Burundi ont quitté le pays après plusieurs tentatives d'assassinat. Certains sont sous mandat d'arrêt internationaux. Les leaders de la société civile qui doivent participer dans ces négociations, la plupart d'entre eux ont quitté le pays après avoir échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Vous vous souvenez du cas de Pierre Claver Mbonimpa, président de la PDH. Il faut alors que le pouvoir comprenne que ces négociations ne peuvent pas avoir lieu au Burundi dans les conditions actuelles de sécurité. Espérez-vous un jour vous asseoir effectivement autour d'une même table avec le gouvernement de Bujumbura pour que la situation que connaît le Burundi soit dénouée? Absolument. Vous vous souvenez deux camps opposés en 1996, certains qui s'appelaient les assaillants, les autres qui insultaient l'autre camp, mais à la fin, les négociations ont eu lieu et un compromis a eu lieu, l'accord d'Arusha. Il est temps que le pouvoir quand même comprenne que cette logique du déni n'avantage ni le pouvoir lui-même, ni le Burundi dans son ensemble. Le dialogue à Arusha accuse une certaine lenteur, si du moins l'on considère la dernière session qui a eu lieu il y a de cela bientôt 4 mois. La réaction est du porte-parole de l'UPRONA qui fait partie des institutions de la République. Maître Poncien Daïchimiye indique en outre que l'UPRONA est satisfait des démarches entreprises par la médiation. Une délégation de la médiation vient de rencontrer les partis politiques burundais et le médiateur est attendu à Bujumbura au début de ce mois d'octobre. On écoute Maître Poncien Daïchimiye. L'UPRONA avait même proposé le rapatriement du dialogue au Burundi, mais bien sûr à condition d'assurer la sécurité à la partie au dialogue qui se trouve à l'étranger, donc les acteurs politiques burundais qui ont fui le pays. On proposait qu'on assure leur sécurité et que le dialogue soit rapatrié au Burundi. C'était toujours dans le souci de terminer rapidement le dialogue. Qu'est-ce qui devrait être fait justement pour que le dialogue reprenne aussi rapidement? Ce qui peut être fait pour que le dialogue soit mené rapidement, c'est d'abord de rassembler les moyens nécessaires. Les moyens nécessaires pour mener le dialogue, il y a les moyens matériels, surtout logistiques, mais il y a aussi la volonté de toutes les parties au dialogue. Nous, on a vu qu'il y a la partie, par exemple, qui se trouve à l'étranger, le Sénared, qui n'a pas la récente session. Et là, je recommande que toutes les parties y mettent de la volonté, de l'engagement pour mettre fin rapidement à ce conflit. Signalons que nous avons essayé de joindre le porte-parole du gouvernement et le parti au pouvoir pour leur version, mais sans succès. Et de son côté, Pierre Claver Nsengiyumba, qui suit de près les questions de l'actualité politique, affirme que quoi qu'il en soit, pouvoir et opposition devront se mettre ensemble pour trouver une solution à la crise. Il trouve en outre que la médiation est encore à la phase préliminaire. Suivez-nous, il a été joint au téléphone par Léonce Bétario. Comme cela ressort des conclusions préliminaires du rapport que le médiateur a présenté lors du sommet de Dar es Salaam, disons qu'il est encore au stade préliminaire lui-même, le médiateur, pour essayer de comprendre tous les côtés, que ce soit au niveau du gouvernement ou des gens qui combattent ou ne parlent pas le même langage que le gouvernement, comment percevoir ce problème pour probablement y apporter des solutions dans les phases qui vont suivre. Il y a le gouvernement et la plateforme Sénared qui ne convergent pas sur comment ils peuvent négocier. Est-ce qu'ils peuvent s'asseoir un jour ensemble pour dénouer la crise au Burundi? À première vue, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que nous sommes dans une situation d'impasse, mais sûrement que avec les efforts qui sont entrepris à gauche, à droite, au niveau intérieur comme au niveau extérieur, je pense qu'il y a possibilité que les positions puissent évoluer et que la situation peut changer. C'est-à-dire que c'est normal au niveau de la médiation, c'est normal que dans les premiers contacts, il soit difficile, et même presque difficile de prévoir, de prédire ce qui peut arriver dans un avenir proche. Mais de toute façon, pour les praticiens des médiations, c'est possible qu'on puisse espérer que les positions vont probablement évoluer et que les gens vont s'asseoir ensemble et négocier sur les différents points d'achoppement qui constituent évidemment le problème principal de ce pays. Voilà, c'était Pierre Claver Nsengiyumba, c'est un analyste politique. Cette transition en matière de sécurité, un certain Misago Samuel a été blessé hier soir dans une embuscade, lui tendu par des bandits sur la colline Kinyami de la commune Nyabiraba. Nous sommes en province de Bujumbura. Ce commerçant rentré chez lui sur cette même colline de Kinyami, un homme du nom de Ndagijimana Patrice a été kidnappé cette même nuit de mardi. Et ses ravisseurs l'ont rencontré à son domicile. L'administrateur de la commune Nyabiraba, Ferdinand Simbananiye, dit que sa famille soupçonne des conflits fonciers qui seraient à l'origine de cette disparition. Voilà, poursuite de ce journal sur la page éducation. Les frais de Minerval ont été rehaussés de plus de 10 000 francs burundais à l'école paramédicale de Bomanza. Malgré les contestations et lamentations des élèves, les responsables scolaires expliquaient que la cause de cette hausse du Minerval est liée au paiement des professeurs vacateurs et ça a été convenu lors de l'Assemblée générale des parents l'année dernière. Les précisions de Space Caritas Cabanian. d'Akereve à l'école paramédicale de Bubanza doit payer une somme de 33 250 francs par trimestre, alors que l'année passée, c'était 21 250 francs, c'est-à-dire que les frais de Minerval ont été rehaussés de 12 000 francs. Ce que confirme également le directeur de l'école qui explique que les frais supplémentaires doivent payer les professeurs vacataires qui sont au nombre de 14, dont 3 docteurs. Selon les témoignages recueillis à cette école, les prix des denrées alimentaires sont actuellement très élevés, mais aussi l'école doit des sommes colossales aux fournisseurs. Pour ce qui est des professeurs vacataires, chaque élève doit payer 6 250 francs et 3 500 par élève pour payer les veilleurs et les cuisiniers, 2 000 francs pour livrer laboratoire, 1 000 francs pour le sport. Certains élèves manifestent des contestations et se lamentent en disant qu'ils sont incapables de payer cette somme et aux responsables scolaires d'expliquer que ce n'est pas du tout une surprise, que cela a été convenu lors de l'Assemblée générale des parents, des élèves et des responsables scolaires, c'était vers la fin de l'année scolaire passée. Pescaritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci à Pescaritas Kabanyana, toujours en rapport avec l'éducation. À Chibitoke, le lycée Chibitoke fait face à d'énormes difficultés à 3 jours de la rentrée scolaire 2016-2017, selon le directeur de cette école. Parmi ces problèmes figure le manque de subsides pour pouvoir rationner les élèves internes à ce lycée, car le gouvernement n'a pas jusqu'aujourd'hui mis cet argent sous les comptes de l'école à régime, des écoles à régime d'internat. Cela étant, le directeur de l'enseignement en province Chibitoke demande en outre au directeur des écoles à régime d'internat de trouver d'autres moyens de survivre en attendant que l'État régularise. Évariste Nzikobanyanga s'est rendu à Chibitoke pour nous. Parmi ces problèmes qui hantent le lycée Chibitoke figurent le manque d'eau lit, le manque de l'eau potable, manque d'enseignants, de manuels scolaires ainsi que le véhicule de l'école en panne il y a 2 mois, indique le directeur de cette école, Léonard Daichimie. À ces problèmes s'ajoute le manque d'argent pour pouvoir nourrir 514 élèves internes. Le directeur de ce lycée crie au secours. L'argent n'est pas encore versé sur les comptes. On a entendu sur les ondes que les opérations seraient en cours. On aimerait que cet argent soit donné dans les meilleurs délais, comme convenu en Ngozi, pour qu'on puisse rembourser les dettes. Ce qui pourrait également aider pour que les fournisseurs ne puissent demander des intérêts de retard avant le 25. Que du moins ce serait mieux pour que les fournisseurs soient régularisés comme convenu. Egide Ngendambizi, le directeur provincial de l'enseignement en province Chibitoke, a de l'espoir que cet argent sera déposé dans les plus brefs délais sur les comptes des écoles à régime d'internat et recommande cependant aux directeurs de ces écoles de trouver un arrangement en attendant la régularisation. Pour que ce soit écoles à régime d'internat, bien sûr, il y a un problème et les écoles n'ont pas encore reçu les moyens financiers. Mais c'est une question qui est connue au niveau du ministère. Je crois que très bientôt, ils auront ces moyens financiers. En attendant, les écoles ont des fournisseurs, sont déjà fournis les premiers vivres, les écoles fonctionnent. Je crois que très bientôt, après le virement de ces moyens financiers, ils vont être régularisés. Cela étant, le lycée Chibitoke doit des arriérés à ses fournisseurs avoisinants à plus de 103 millions de francs burundais. Depuis Chibitoke, Evariste Nzikomanyanga, Radio Isanganiro. Merci à Evariste depuis Chibitoke et nous nous excusons pour la qualité du son. Le système éducatif burundais éprouve des difficultés liées surtout au manque de moyens. Cela a été dit par Faustin Ndikumana, le directeur exécutif de Parsem, dans un point de presse ce mercredi, où il demande qu'il y ait une étude des experts sur le budget annuel de ce secteur de l'enseignement et que ce dernier soit revu à la hausse. Suivez Faustin Ndikumana, directeur exécutif du Parsem. Le système éducatif burundais nécessite actuellement une opération de sauvetage. Il y a par exemple des problèmes d'infrastructure et d'équipement. Des écoles bientôt 3 ans construites, mais sans écoles, sans fenêtres, sans portes, sans tableaux, sans ciment. Manque criant des enseignants. Jusqu'à ce que dans certaines localités, les écoles ont fait recours aux parents pour recruter et payer les enseignants. Une faible sensibilisation par rapport aux réformes, ou même cette réforme sont mal comprises, et la population n'y adhère pas. Une pauvreté extrême. Il y a le chômage de lauréats, des élèves non redoublement a été refusé. Ça, c'est créer une tension dans les communautés locales, sans oublier l'impunité avec la dégradation de mœurs dans l'éducation. L'impunité des gens qui s'adonnent à dépaver la jeunesse, surtout les filles qui sont engrossées d'une manière désordonnée, mais sans toutefois que ceux qui ont commis ces crimes soient punis. Et là où le bas blesse, c'est une faible capacité budgétaire qui se manifeste parce qu'on voit qu'il y a un manque de moyens consécutifs d'ailleurs au rétrécissement de l'enveloppe budgétaire. Parce que si on compare le budget de l'éducation 2015 et 2016, on voit une réduction sensible. C'est le paradoxe. Quand les réformes sont là, mais le budget tend à se rétrécir. Et voilà, terminons ce journal par ce SES. Le père d'une certaine Mélanie Ndaizeye est blessé et alité à l'hôpital autonome de Ngozi. Après avoir été blessé par un porc, demande l'aide des bienfaiteurs pour sauver cet enfant menacé par la faim. Son parent indique que personne ne lui vient en aide, précisant que sa famille est indigente et qu'elle se trouve loin de cet hôpital de la province Kayanza. Les précisions d'Apollinaire Mouzagar. Cette fillette hospitalisée est âgée de 15 ans, mais n'a qu'à peine 10 kilos. Elle a dès la naissance un problème de développement psychomoteur, comme le dit son père. Son parent, Sikogukira Devin, indique que cette famille est indigente et ne vit que de la mendicité pour vivre. Au lundi, un malheur s'est abattu toujours sur cette même famille. Un porc d'un voisin s'est introduit dans la maison où couchait cette fillette Mélanie et a mangé tous les pieds, une partie du tibia et péroné, ainsi que la main droite. Cette malheureuse fillette de sa colline natale, Moussa Anze, en commune et province Kayanza, cet enfant a été conduit à l'hôpital de Kayanza pour transférer le même jour à l'hôpital autonome d'Ongos. Son père dit que cette fille et sa garde malade sont menacées actuellement par la faim et demandent par conséquent l'intervention de toute âme charitable. Yévin Sikogukira dit même ne pas voir comment sortir de cet hôpital, indiquant qu'il ne peut pas régler la facture d'Est. Donc aussi, Apollinaire Mouzagara, Radio Isangani. Merci Apollinaire Mouzagala, c'est par ici que nous mettons fin à ce journal. Mais avant de vous quitter, nous rappelons les principaux titres. Tôt ou tard, les protagonistes burundais doivent s'asseoir ensemble pour négocier. C'est la réaction d'un analyste politique face à la lenteur observée ces derniers jours au processus de dialogue burundais qui se déroule à Arusha. Le scénario accuse le pouvoir de traîner les pieds de son côté, plutôt du côté de lui prenant du gouvernemental. L'on salue les efforts de la médiation qui a envoyé sa délégation à Bujumbura récemment. Et puis le Minerval a été revu à la hausse de plus de 10 000 francs burundais à l'école paramédicale de Bumanza. Désormais, les élèves doivent contribuer pour le paiement des professeurs vacataires. Et certains bureaux de change n'ont pas encore repris les activités à peu près 2 mois après la fermeture de ces derniers. Ils hésitent encore à signer l'acte d'engagement, leur obligeant de respecter le taux fixé par la Banque centrale. Eric Wimana assurait la mise en onde à la présentation. Marie-Ange Zimana, bonne soirée à tout le monde.